le lieu, déshabiller ce même lieu. Son nom revêt mille façades. Habiter le lieu, s'y dégourdir les membres. Son nom revêt mille façons. Habiter le lieu, lorgner à gauche, se concentrer à droite. Habiter le corps, se dévêtir, revêtir, son nom l'impudeur du moment. Soit dans l'autre, soit dans l'autre, soit dans l'autre. Habiter le lieu, déshabiller ce même lieu, son nom revêt mille façades. Habiter le lieu, c'est dégourdir les membres, son nom revêt mille façons. Habiter le lieu, lorgner à gauche, se concentrer à droite. Habiter le corps, se dévêtir, revêtir, son nom l'impudeur du moment. Soit dans l'autre.